Lord. Maintenant à Hébreu 1. Praise the Lord. Hallelujah. Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu 1. Vers 8 to 10. Hébreu 11, 8 to 10. Hébreu 11, verset 8 à 10. Praise the Lord. Do you see that? He said, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Amen. Amen. And he went out, not knowing whither he went. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know the trust. Das Vertrauen. Trust. I trust him. Ich vertraue he ihm. Never mislead me. Er würde mich niemals in die Irre führen. Amen. Abraham a vraiment obéi à Dieu, puis ça, son obéissance, ça montre sa confiance à Dieu. Il savait que Dieu le quittera jamais. If you remember Isaiah 26 again. Wenn man sich an Isaiah 26 erinnert. Isaiah 26. On rentre maintenant encore à Isaïe 26, verset 3. Amen. On va rentrer encore à Hébreu 11. Praise the Lord. Alors, mettons notre doigt. Isaiah 26, verset 3. Isaiah 26, verset 3. Verset 3. He said, thou will keep him in a perfect peace, whose mind is stayed on thee. Why? Because he trusted in thee. Mm. Amen. You might not know where you are going. You have peace. Weißt nicht, wohin du gehst, aber du hast Frieden. Weil du ihm vertraust. Dein Vertrauen, es liegt auf ihm. Er braucht dein Vertrauen. Verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc ça, ça a beaucoup à voir avec la confiance en Dieu. You might not know the road, you might not know the way, you might not know anything, but you just trust him. Du kennst den Weg nicht, du weißt vielleicht nicht wohin oder woher, aber du vertraust ihm. Peut-être tu ne connais pas ton, le chemin ou l'avenir, mais toi tu fais vraiment confiance à Dieu. Hébreu 11 again. Hébreu 11. Maintenant on rentre à Hébreu 11, verset 8. The last part. He said, not knowing whither he went. Er wusste nicht, wohin er geht. Going, er wusste nicht, wohin er geht, aber er hat jemandem vertraut, er hat dem Herrn vertraut. On a écrit ici que Abraham il ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance en Dieu. Amen. Mm. He did not trust the Lord because he knows the way. Mm. Amen. Amen. He knows where he was going. Amen. Though he did not know anywhere, he did not know you were just moving, but that trust keep on. Him to keep on moving. Er hat dem Herrn nicht vertraut, weil er eben wusste, wohin er selbst geht oder wohin er selbst gehen soll, aber wegen dem Herrn selbst. Sein Vertrauen hat auf dem Herrn basiert und nicht auf seinem Wissen. Et Abraham, il n'a pas fait Dieu confiance parce qu'il savait où il part, mais il savait que le chemin est Dieu lui-même. C'est ça pourquoi il a été capable à faire confiance à Dieu, bien qu'il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Verset 9. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Praise the Lord. Mm. Verse 10. For see? He looked for a city this? Which have foundation, whose builder and maker is God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was looking for that place where it's all about Christ alone. Er hat nach diesem Ort geschaut, wo es nur um Christus Jesus geht. Et Abraham, dans verset 10, on peut voir qu'Abraham cherchait la place où il s'agit seulement de Jésus-Christ, où Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. He was so conscious of the kingdom of heaven. Er war sich dem Königreich von Christus Jesus so bewusst. Amen. Amen. He was so conscious of that kingdom. Er war sich diesem Königreich so bewusst, obwohl er es nicht sehen kann, erklären kann. Er wusste, dass es existiert. Il a vraiment été conscient du royaume, bien qu'il ne pouvait pas voir ce royaume, il ne savait pas où est-ce que, ou bien oui, comment arriver là-bas, mais il avait vraiment confiance à Dieu qu'un royaume comme ça existe. Let us be let us have that confidence in Christ. Lasst uns diese Zuversicht in Christus Jesus haben. Lasst uns diesem Königreich bewusst sein. Et on doit vraiment avoir l'assurance en Jésus-Christ et puis être aussi conscient de Jésus-Christ. Let us be conscious of our country. The only country. We only have one country, not two countries. Wir haben nur ein Land, nicht zwei Länder. Lasst uns stolz oder auch dieses Land erachten allein. Et on doit vraiment être conscient de notre pays Colossiens parce que nous avons seulement un pays. Colossiens 3. Colossiens 3. Praise the Lord. Halleluja. Colossiens. Kolosser 3. Kolossien 3. Amen. Amen. 1 to 4. 1 bis 4. Verset 1 à 4. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Mm-hmm. Allow heaven to build your focus. Das, was der Himmel dein Fokus ist. Das Königreich des Himmels. Es ist nicht erst, wenn du stirbst physisch, sondern es ist hier auf Erden. Es ist schon. Permet que ta concentration soit seulement au royaume de Dieu ici déjà sur terre et pas quand tu es au royaume de Dieu déjà. Amen. Amen. Quand tu meurs. He said, for you are dead. The old is dead. Das Alte ist gestorben. Ihr seid gestorben. Nein, Krika, vous êtes mort. Donc l'ancien est mort. Just like they are dead, and that's how you also see yourself dead. Genauso wie sie gestorben sind. You see them dead, and you see yourself dead. Siehst du auch dich selbst tot. Tot für sie. Mm-hmm. Et comme tu vois les gens de ta vie ancienne morts, c'est comme ça que tu vas te considérer aussi comme mort. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Être aussi mort pour eux. Et tu dois aussi être mort pour eux. Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to be the one that separates you. Lass zu, dass Christus derjenige ist, der trennt. What they call death separating you. Nicht, dass der Tod scheidet. Und später bereust du die Dinge. Permet que la séparation est causée seulement par Jésus-Christ, par la vérité, et pas par la mort selon la définition de ce monde. Et puis, si c'est la... Parce que si c'est la définition de ce monde, donc la mort de ce monde, là tu vas même regretter à la fin. It is better this death separate you. Es ist besser, wenn dieser Tod dich trennt. The other death, what they call death, separate you. Als wenn das, was sie Tod nennen, dich trennt. Parce que c'est mieux que la mort selon le Christ vous sépare que la mort que la mort qui est selon la définition de ce monde qui est physique. Praise the Lord. Hallelujah. Say, for you are dead and your life is hid with Christ in God. Amen. When Christ, who is our life, Quatre. Shall appear, Amen. Then shall ye also appear with him in glory. When Christ, who is our life, I love that. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your life belongs to me. Das alte it was all about me. But the new life is Christ. Das neue, das alte Leben hat mir gehört und da ging es nur um mich, aber das neue Leben, das gehört Christus Jesus. Dans verset 4, on a écrit que Jésus-Christ est notre vie. Et puis avant, nous avons, la vie ancienne écrite à nous-mêmes. C'est appartenant à nous-mêmes et maintenant ça appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. We can see verse 1 and 2 said be heavenly conscious. Vers 1 und 2 steht, wir sollen himmlisch bewusst sein, ein himmlisches Bewusstsein haben. Verset 1 nous dit qu'on doit être, célestement sensé. Set your affection on things above. Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem Königreich des Himmels. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses du royaume des cieux. Because you are either heavenly conscious or you are earthly conscious. Du bist entweder himmlisch gesinnt oder irdisch gesinnt. Et soit tu es célestement sensé ou tes pensées sont de cette terre. Amen. De cette terre. Hebrew 11 again. Hébreux 11 nochmal. On va lire encore Hébreux 1. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Mm-hmm. from 13 to 16. Hebräer 11, 13 bis 16. Hebräer 11, verset 13 à 16. He said, these all died in faith. Amen. Amen. Not having received the promises, but having seen them afar off. And we are persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Mm. They seek heavenly country. Sie suchen ein himmlisches Land. Amen. Ein himmlisches Vaterland. Amen. Et versets 13 et 14 nous montrent qu'ils cherchaient un pays céleste. Praise the Lord. Hallelujah. Then 15 and 16. 15 und 16. Verses 15 and 16. And truly, if they had been mindful of that country whence they came out, they might have had opportunities to have returned. Verse 16. 16. But now, they desire a better country. Praise the Lord. Hallelujah. That is an heavenly. Heavenly and not earthly. Ein himmlisches und nicht irdisch. Heavenly country. Ein himmlisches Land. On a écrit, ils cherchaient un pays céleste et pas un pays terrestre. Where God is not ashamed to be called their father. For he had prepared for them a city. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Après, on a écrit ici, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. He had prepared a city for us. Er hat eine Stadt für uns vorbereitet. Il nous a préparé une cité. Amen. Amen. And that is where everything, you know. Go to 1 Peter, let us. 1. Petrus. On va lire 1 Pierre. 1 Peter 1, 4. 1. Petrus 1, 4. 1 Pierre 1, verset 4. He said, you know, we just read that he prepared a city for us. Wir haben gerade gelesen, dass er eine Stadt für uns vorbereitet hat. Et on vient de lire qu'il nous a préparé une cité. 1 Peter 1, 4. 1 Petrus 1, 4. 1 Pierre 1, verset 4. He said, to an inheritance, incorruptible. He's talking about our city. Er spricht über unsere Stadt. Ici, il parle de notre cité. He's talking about our wealth. Er spricht über unseren Reichtum. Il parle de notre richesse. Incorruptible. Unvergänglich. Never decay. Der niemals verwelkt. Notre héritage qui ne se peut ni corrompre ni corrompre. Undefiled. And that faded not away. Reserved in heaven for you. That faded not away. Der nicht vergeht. Verset 4, on a écrit pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous êtes réservés dans les cieux. Amen. Amen. You know, all these places, they are telling us that we only have things in heaven. All diese Stellen sagen uns, dass wir nur Dinge im Himmel haben. And not here on earth. Und nicht hier auf Erden. Et on a écrit ici que nos richesses est au royaume de Dieu et pas ici sur terre. Amen. A place called there for us. Ein Ort, an dem der Herr uns haben möchte. Une place que Jésus-Christ a pour nous. Remember Mark 10 again. Let's go to Mark 10 again. And see something there. Mark 10, 21. Markus 10, 21. Mark 10, verset 21. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. Jesus talks about heaven here. Jesus spricht über den Himmel. Jésus-Christ parle des cieux. Amen. You see, that Jesus beholding him loved him. You know, telling them the truth is love. In die Wahrheit zu sagen, ist Liebe, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es bitter ist. Et même si ça fait mal de dire la vérité, mais c'est ça l'amour du Christ. It's, you know, it sounds like hate to the body. Es klingt so wie Hass für den Körper. L'amour du Christ, ça tend comme la haine. Amen. But it is God's kind of love. Aber es ist Gottes Liebe. Mais c'est l'amour de Dieu. He loved him. Er hat ihn geliebt. Verset 21. Il a aimé cette personne. Give me everything you have. Gib mir alles, was du hast. And Jesus is calling that love. Und Jesus nennt das Liebe. Jésus-Christ a dit, donne-moi tout ce que tu as. Et puis Jésus-Christ appelle cette phrase l'amour. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And said unto him, one thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. Treasure in heaven. Schatz, how to have treasure in heaven. Wie du einen Schatz im Himmel hast. Ici, Jésus-Christ parle des trésors aux cieux. How to have wealth in heaven. Wie wir Reichtum im Himmel haben. Comment avoir la richesse aux cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How to have heavenly wealth. Wie wir himmlischen Reichtum haben. Comment avoir la richesse céleste. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly wealth and not earthly wealth. Himmlischer Reichtum, nicht irdischer Reichtum. La richesse céleste et pas la richesse terrestre. Amen. Amen. Because our wealth comes from there. Denn unser Reichtum kommt von dort. Parce que notre richesse vient du ciel. Amen. Amen. Stop looking at here. Hör auf, let us learn to auf see diese Welt zu schauen und das Himmlische zu sehen. Arrête de voir ce monde, mais commence de voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are not heavenly wealth. Himmlischer Reichtum. La richesse céleste. We have to know how secure it is. Wir müssen wissen, wie sicher der ist. Nous savoir que c'est vraiment sûr. Amen. Amen. Go to Matthew 6. Matthäus 6. Matthew 6. It's only true. It's only there we have security. Nur da haben wir Sicherheit. Seulement au royaume des cieux, nous avons l'assurance. That's what Jesus said here. Das ist das, was Jesus hier sagt. Matthäus 6, 19 bis 21. Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Praise the Lord. Lay not up for yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Amen. Amen. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rot doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen. Amen. Then from verse 22, it now talk about let it be heaven alone. In 22 spricht er darüber, dass es dir nur um den Himmel gehen soll, dass deine Augen fokussiert sind und nicht zwiegespalten. In Vers 22, il dit qu'il doit seulement s'agir de Jésus-Christ pour nous, notre œil, notre yeux, nos yeux doivent être construits seulement sur une chose et pas sur deux choses. Praise the Lord. Look at it. From verse 22. The light of the body is the eye. If therefore your eyes be single, your whole body shall be full of light. Let him be Christ alone, and lass not two things. Christus sein und nicht eine zweite Sache. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc ça montre que tu dois seulement être concentré sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 23 says, but if your eye be evil, 23, your whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is indeed be darkness, how great is the darkness? No man can serve two masters, for 24. Either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Praise the Lord. Hallelujah. Please stop giving people two things. Hört auf, Leuten immer zwei Optionen zu geben. Arrêtez de donner les gens deux options. It is singular. Es ist nur eine, Christ nur ein Weg, nur Christus allein. Il y a seulement un chemin qui est Jésus-Christ. Amen. Single eye and not double eyes. Fokussiert und nicht gespalten. Être concentré sur une chose et pas sur deux choses. Amen. Amen. Then from verse 25, you can see how we have double eyes. In 25 sehen wir, wie wir gespalten sind durch Sorgen. Verset 25, ça nous montre comment. 28? Verset 28 nous montre comment nous sommes concentrés sur deux choses, comment nos yeux, nos yeux ne sont pas singuliers. Amen. Through worries, you have double eyes. Durch Sorgen haben wir gespaltene Augen. À travers tes soucis, tes yeux sont oui. Amen. Voient toujours deux choses. Praise the Lord. Amen. Again, heavenly consciousness. Himmlisch Bewusstsein, himmlisches Bewusstsein. Tu dois être céleste. Oui. Matthieu 14. Matthieu 14. Look at how conscious Christ was towards heaven. Seht euch, wie bewusst Christus sich war bezüglich des Himmels. Ici, vous pouvez voir comment le Christ a été conscient du royaume des cieux. He said, you know, he came to show us how to live. That you bring heaven. Heavenly things, you bring them here on earth. Wie wir leben, indem wir die himmlischen Dinge hier auf Erden bringen. Donc, Jésus-Christ nous a montré comment vivre selon la vie céleste qui est au royaume des cieux, qu'on est aussi capable à vivre cette vie ici sur terre. From verse 14 to 20. Verset 14 jusqu'à 20. And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion towards them and healed them. He healed their sick. Verse 15. And when it was evening, his disciples came to him, saying, this is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Verse 16 says, but Jesus said unto them, they need not depart, give ye them to eat. Praise the Lord. Hallelujah. In the natural world, yes, you send them away. In der natürlichen Welt würdest du die Menschen wegschicken. You are right. Hier ist das Königreich des Himmels. Ich bringe euch jetzt bei, wie ihr hier in diesem Königreich funktioniert. Donc Jésus-Christ montre que au monde naturel tu renvoies la foule à la maison, mais au monde surnaturel c'est toi la personne qui leur donne quelque chose à manger. They don't need to depart. You give them what to eat. Sie müssen nicht gehen und sich auf die Suche machen. Gib ihnen das, was sie brauchen. Gib ihnen was zu essen. Ils n'ont pas besoin de rentrer à la maison, mais vous avez le pouvoir de leur donner quelque chose à manger. Amen. Look at verse 17. Verset 17. You know, it's like us today. So wie wir heute. How we weary are today. Wie wir reagieren. Verset 17 nous montre la façon comment nous aussi on peut réagir. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. 2 Fische. Just so little. How can he feed them? So klein. Wie soll das die Menschen satt machen? Les disciples se demandent, bon, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Comment on peut nourrir la foule? But Jesus said, bring them. Aber Jesus sagt, bring them. So that I show you how to live the kingdom life. Euch zeige, wie man das königliche Leben lebt. Das himmlische Leben. Hier auf Erden lebt und nicht erst, wenn man stirbt, sondern hier jetzt. Mais Jésus Christ dit, apportez-les-moi pour que je vous montre comment vivre la vie céleste ici sur terre à partir de maintenant. Verse 19 is very wonderful. 19. Amen. Verset 19. And he commanded the multitude to sit down on the grass and took the 5 loaves. And the 2 fishes are looking up to heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, heaven is a reservoir. Erinnert euch, dass der Himmel. We have our wealth in heaven. Ein Speicher. You land in any big home, take it to heaven. Da ist unser Speicher, da ist unser Rückhalt. Und wenn eine Rechnung kommt, sollen wir diese Rechnung we hardly remember that. Zum Himmel geben. Aber wir erinnern uns nur kaum daran. Et on doit savoir que notre richesse vient du royaume des cieux. Mais très souvent, quand il y a des situations difficiles, on oublie d'où notre richesse vient. And looking up to heaven. Praise the Lord. Hallelujah. You want to draw something. You know, you want to draw something. You learn it, please. You learn to draw from there. Wir müssen lernen, vom Himmel abzuheben. Et ici, quand on a donné les poissons et le pain à Jésus-Christ, on a écrit, il a mis ses yeux vers les cieux, vers le ciel. Et on doit aussi apprendre de prendre des choses du ciel. Remember 1 Peter 1, verse 4, when we are there. 1. Petrus 1, Vers 4. He said, our wealth are reserved. Things are reserved there for us. Da steht, dass unser Reichtum reserviert ist im Himmel. Dinge sind dort zurückgelegt. On doit se rappeler à 1 Pierre 1, on a écrit que nos richesses sont réservées aux cieux. And Mark 10, verse 21, you know, Jesus revealed to us how we have wealth there. Und Markus 10, 21, it's not you don't have money in the bank and you want to go and pick. Markus 10, 21, da zeigt uns Jesus, wie wir dieses Geld sozusagen abheben, weil du kannst nicht Bank, du kannst nicht Geld von einer Bank abheben, wo du kein Geld, kein Konto angelegt hast. Et on doit aussi se rappeler à Marc 10, où Jésus-Christ nous montre comment, comment avoir la richesse au royaume de Dieu. Ce n'est pas que quand tu as des situations difficiles que tu pars à la banque pour prendre ou pour retenir l'argent, mais tu dois le faire maintenant à ton compte céleste. You never bless the house of the Lord for nothing. Wir segnen das Haus Gottes nicht vergeblich. Never lost for you. Tu ne bénis jamais la maison de Dieu pour rien. C'est jamais perdu pour toi. Das ist niemals ein Verlust. Amen. You know, Jesus told that young man. He said, go and sell everything and give to the poor so that you have wealth. Wealth. If you know to the poor, how much more my heavenly kingdom? If giving to the poor can even be something, how much more? Wenn Jesus sogar sagt, dass wenn er zu den Reichen alles gibt, dass er Reichtum im Himmel haben wird, wie viel mehr zu seinem Königreich, für sein Königreich, für seinen Willen, wie viel mehr wird sich dieser himmlische Reichtum dann vervielfältigen? Et rappelez-vous à l'homme riche, où Jésus-Christ a dit, vend tout ce que tu as et puis donne ta richesse aux pauvres, comme ça tu auras des richesses aux cieux. Et si quelque chose comme ça est déjà, oui, est capable de t'amener des richesses aux cieux, combien de plus quand tu bénis la maison de Dieu? Praise the Lord. Hallelujah. Remember our heavenly wealth. Erinnert euch an den himmlischen Reichtum. Rappelez-vous à votre richesse. Yeah, incorruptible. Unvergänglich. C'est incorruptible. Undefiled. Unbefleckt. And never failed. Und verweckt nicht. Es ist jamais vanité. There's guarantee. Und da ist eine Garantie drin. La garantie. Praise the Lord. Halleluja. It is well secure. Gut gesichert. No thief can break in and do anything there. Da kann kein Dieb einbrechen. Et c'est bien protégé par Dieu lui-même. Aucun voleur peut voler nos richesses. Are you getting it? You know, look at what is happening everywhere today. Schaut euch an, look at the war in Ukraine. People lost everything. In der Welt passiert. The way that they have been fighting. Et vous voyez la situation du monde entier, par exemple, même oui, à l'Ukraine, où les gens ont tout perdu à cause de la guerre. Wenn wir uns Kriege anschauen, wie in der Ukraine, wo Menschen ihr Hab und Gut verlieren, all das, was sie sich angehäuft haben, ihren ganzen Reichtum verlieren. Donc, toute la richesse est maintenant perdue. They were once rich here. Sie waren einst reich hier. Ils ont été riches selon la the thief have to do his job. Aber der Dieb muss sein Werk he vollbringen. Come to steal, kill and destroy. Er kommt, um zu töten, zu stehlen. Er kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Amen. Amen. It's only in heaven we can do nothing. Mais le voleur, il doit faire son travail parce que son travail est de voler, de tuer et de détruire. Nur im Himmel kann er nichts tun. Amen. Mais seulement au ciel, le voleur peut rien faire. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 19 again. And he commanded the multitude to sit down 19. On the grass. And told the five loaves and the two fishes. And looking up to heaven. He blessed and not cursed. Er hat gesegnet und nicht verflucht. Er hat das Kleine gesegnet und es nicht verflucht. Et si on lit verset 19, on peut voir que Jésus-Christ a béni le peu qu'il avait. Il n'a pas maudit ce qu'il avait. He never see those, you know, the fish and the bread. He never see them natural. Er hat das Brot und den Fisch niemals als natürlich angesehen. Il n'a jamais le pain et le poisson comme quelque chose naturel. Amen. And he blessed and break and gave the loaves to the disciples and the disciples to the multitude. And they all ate and were filled. And they took up the fragments that remained, 12 baskets full. Praise the Lord. Hallelujah. You get something there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. I don't know if we have to continue. Okay, we still have a little time. Have only one gathering. Habe nur eine Versammlung. Alles von Christus ist eins, eine Versammlung. Et tu dois seulement avoir un rassemblement. Et tout dans, au monde, tu cries seulement un côté. Versammle dich nur in seinem Namen. Rassemble-toi seulement dans son nom. Amen. Amen. Anytime you gather without Christ. Wenn du dich ohne Christus versammelst. Et toujours quand tu te rassembles sans le Christ. It means you gather against him. Versammeln wir uns gegen Jesus Christus. Ça signifie que tu te rassembles contre Jésus Christ. Our gathering and your gathering should never be the same. Unsere Versammlungen und ihre Versammlungen dürfen niemals gleich sein. Notre assemblée et l'assemblée du monde ne peut jamais être la même. Learn to gather in his name. Lerne dich nur in seinem Namen zu versammeln, in diesen einen Namen. Apprends de te rassembler seulement à son nom, le nom de Jésus Christ. In Matthew 18, verse 20. In Matthäus 18, Vers 20. Matthieu 18, verset 20. And also if you read Isaiah 54, it said they gather, but not by me. Auch in Isaiah 54, steht auch, 15. Sie haben sich versammelt, aber nicht in meinem Namen. Et même dans Isaiah, il écrit que les gens se rassemblent, mais pas au nom de Dieu. And if you read Genesis 11, from 1 to the end, you will see how they gather. And he was moved and he scattered them. Auch in, gather in the name of Christ alone. 1. Mose 11, 1 bis 2. Babylon. Ab 1 sehen wir den Turmbaum von Babel und da haben sie sich auch versammelt, aber nicht in seinem Namen. Und das wurde zu so einer Bedrohung, dass er das aufhalten musste, zerstören musste. Et même dans Genèse, on peut aussi voir comment les gens se rassemblaient, comme par exemple dans l'histoire de tour de Babel, quand les gens voulaient construire le tour Babel, ils se sont mis ensemble contre Dieu. Amen. Et Dieu a été bougé de détruire leur projet. Don't provoke him to jealousy. Provoziere ihn nicht zu Eifersucht. Any name, if you gather in another name, you provoke him to jealousy. Provoziere den Herrn nicht zu Eifersucht, denn wenn du dich in einem anderen Namen versammelst, ist der Herr eifersüchtig. Ne provoque pas Dieu à la jalousie, parce que quand tu te rassembles un autre nom là tu provoques Dieu d'être jaloux. You know how you gather in another name. Gather in a family's name. It's all about family. Let's talk. Your family wants to gather. Children want to gather. You know God is a class camaraderie or what do you call them? My classmates gathering. You know. Let me call them. Just pick and choose. Then I say, you know, it's not about Christ. It's just about the flesh. Any flesh gathering is against Christ. Und genauso auch, wir wissen, wie wir uns im Fleisch versammeln, ob es jetzt in einer Fleisch- und Familienversammlung ist, ob es in einer Versammlung ist wegen einem Klassentreffen oder Versammlung ist wegen irgendwelchen anderen Dingen, die nicht von Christus sind. Das ist alles fleischlich und eine Versammlung, wo nicht er der Kopf ist. Et tu sais aussi, quand tu te rassembles contre Dieu, mais quand tu te rassembles au nom de la chair, comme par exemple tu te rassembles avec ta famille ou bien tu fais partie à une réunion d'anciens élèves ou bien quand tu vois tes camarades anciens, c'est là où tu te rassembles au nom de la chair et pas au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Peter, Paul and others, they never gather in another name. Petrus, Paulus und andere haben sich niemals in einem anderen Namen versammelt. Pierre, Paul et les autres, ils se sont jamais rassemblés à un autre nom. Amen. Amen. They did not fall from the sky. Sie sind aber nicht aus dem Himmel gefallen. Ils ne sont pas tombés du ciel. Abraham did not gather in another name. Abraham hat sich in einem anderen Namen versammelt. Et même dans l'ancien Abraham, il s'est jamais rassemblé. He did not fall from the sky. Er ist auch nicht aus dem Himmel gefallen. Il n'est pas aussi tombé du ciel. If you read Genesis 11, you see that he had family. Wenn wir in 1. Mose 11 lesen, sehen wir, dass er eine Familie hat, eine Verwandtschaft hat. Et si on lit Genèse 11, on peut voir qu'il avait aussi une famille. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Even his old age was not a problem for him. Und sein Alter war auch kein Problem für ihn. Même son âge n'était pas un problème pour lui. He was 75 years when the Lord called him out of the country, out of the family, out of everything. You know, today we say, what I've learned. Everything. You better let them go. Und er war 75, als der Herr ihn aus dem Land seines aus seinem Vaterland rausgerufen hat. Und er hat nicht gesagt, ja, ich bin zu alt dafür, das ist für die Jugend, das kann ich mir nicht mehr leisten in meinem Alter, das geht nicht. Nein, er hat das dennoch getan. Er hat sich gedemütigt, trotz seines Alters. Et on peut voir dans Genèse qu'Abraham, il avait 75 ans quand Dieu lui a appelé de la famille. Puis il n'a pas dit que bon, je suis trop âgé, j'ai beaucoup appris, je connais seulement les systèmes de ce monde, c'est trop dur pour ma chair. Non, il a pris la décision en Christ. Il n'a pas dit que c'est seulement pour les jeunes de suivre Jésus-Christ et de laisser tout derrière, derrière eux. C'est seulement pour des jeunes, non. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So if we want to write anything today, we will write about the natural, the old, or we now write all about Christ Jesus. That was what happened with Genesis. You can see all of them. Even the New Testament, Peter, Paul, and others. You know, there's no, I thought there was a time I thought, these people, did they even have what we believe we have today? But their focus was so much on Christ Jesus. And that is how they were able to make it. Diese Menschen, let us allow our focus to be Christ Jesus. Waren keine Aliens oder waren nicht Leute, die einfach aus dem Himmel gefallen sind, sondern es waren auch Leute mit einer Vergangenheit, mit einer Verwandtschaft, mit einem alten Leben. Aber dennoch, sie haben sich einfach für den Herrn entschieden und sind ihm gnadenlos sozusagen gefolgt, ohne Kompromisse. Und das können wir heute auch tun. Mm-hmm. Lasst uns sie als Vorbild nehmen. Et si je lis la Bible, je me demande, les gens comme Pierre, Paul ou bien les apôtres en général, est-ce qu'ils sont tombés des cieux parce que je vois jamais qu'ils avaient des difficultés à laisser leur passé derrière eux. Ils étaient vraiment concentrés à Jésus-Christ et nous, on a toujours des difficultés à laisser nos passés derrière nous. C'est ça pourquoi on doit être concentré seulement à Jésus-Christ et puis laisser ou bien permettre que Jésus-Christ soit notre vision. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We stop here, please. Amen. Amen. Then till Sunday again. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, if you have